Chapitre 14. La matinée où son mari revint à North Shingles fut une matinée à jamais mémorable dans les annales domestiques de Mrs. Reig. Ce fut en effet de là qu'elle put dater la première notification qu'il eût été faite du mariage de Magdalen. C'était ici-bas la destinée assignée à Mrs. Reig que de passer sa vie dans un perpétuel étonnement. Jusque-là, cependant, elle ne s'était jamais trouvée au sein d'un labyrinthe pareil à celui où elle s'égara lorsque le capitaine lui eut froidement révélé la vérité. La pénétration de la bonne dame lui avait suffi pour soupçonner Mr. Noel Vanstone d'être admis chez elle en qualité de prétendant. Elle avait aussi, à part elle, interprété comme fort peu favorable aux prétentions du jeune homme certaines expressions d'impatience tombées çà et là des lèvres de Magdalen. Mais ses conjectures les plus hasardées n'étaient jamais allées jusqu'à lui faire regarder comme possible le mariage qui allait se conclure. Elle marchait de surprise en surprise devant chaque révélation de son mari. Une noce dans la famille d'ici à 24 heures, et cette noce était celle de Magdalen. Et personne, pas même la fiancée, n'aurait une toilette neuve. Et dans cette occasion la plus favorable de toutes pour la mettre en relief, la robe de cachemire oriental ne pourrait absolument servir. Aussi Mrs. Reig était-elle tombée tout de travers sur le premier fauteuil venu, et là, oubliant complètement la présence du capitaine, ne prenant pas garde aux yeux terribles qu'il lui faisait, elle frappait, de ses mains désordonnées, ses genoux dispersés au hasard. On ne l'eût pas autrement étonné, en l'instruisant, après de si grands coups, que le monde allait finir, et qu'elle était le seul être mortel dont la destinée eût omis de régler le sort en arrêtant les comptes de notre planète. Laissant sa femme se tranquilliser à elle seule, le capitaine Reig s'était retiré dans les régions inférieures de la villa pour y attendre le moment où Magdalen voudrait bien se montrer. Il était près d'une heure lorsqu'un bruit de pas dans la chambre au-dessus vint lui apprendre que la jeune fille était réveillée et qu'elle avait quitté son lit. Il appela immédiatement la suivante, nommée Louisa, puis, pour la seconde fois, il l'envoya près de sa maîtresse. Magdalen était debout, auprès de sa toilette, quand un faible coup frappé à sa porte vint attirer son attention. À ce coup succéda le son d'une voix douce qui s'annonçait comme étant celle de la femme de chambre de Miss Bygrave et s'informait si Miss Bygrave n'avait besoin d'aucune assistance. « Pour le moment, non, » dit Magdalen, aussitôt qu'eut cessé son étonnement de se trouver à l'improviste pourvu d'une soubrette qu'elle ne connaissait point. « Quand j'aurai besoin de vous, je sonnerai. » L'ayant ainsi congédié, elle jeta les yeux par hasard de la porte à sa croisée. Toutes les réflexions que lui aurait sans cela suggéré l'arrivée de cette femme de chambre furent interrompues à l'instant même par la vue du flacon de laudanum encore posé sur le rebord de la fenêtre où elle l'avait laissé depuis le lever du soleil. Elle le ressaisit dans sa main, avec une étrange confusion de sentiments, et ne sachant même alors si la vue de ce flacon lui rappelait une réalité terrible ou un rêve affreux. Sa première impulsion fut de s'en débarrasser à l'instant même. Elle l'avait déjà soulevé pour le vider par la fenêtre, lorsqu'elle s'arrêta soudain, prenant en défiance cette nouvelle détermination. « J'ai accepté l'existence qui m'a été rendue, pensait-elle, mais sais-je bien ce que cette existence peut me garder ?» Elle se détourna de la fenêtre et revint vers la table. « Peut-être serais-je forcée de recourir à toi, » dit-elle, et elle replaça le laudanum dans son nécessaire de toilette. Ce n'est pas que, ceci fait, son esprit se trouva plus tranquille. Il lui semblait voir dans un tel acte on ne sait quelle ingratitude difficile à définir. Et pourtant, elle n'essaya pas de retirer le flacon de la cachette où elle l'avait dérobé au regard. Elle précipitait sa toilette. Elle hâtait le moment où, sonnant sa camériste, elle pourrait, en face de nouvelles préoccupations, s'oublier elle-même ainsi que les pensées qui l'obsédaient depuis son réveil. Après avoir fait vibrer le timbre, elle prit sur la table sa lettre à Nora et sa lettre au capitaine, les mit toutes deux dans son nécessaire de toilette à côté du laudanum et les enferma bien en sûreté sous la clé qu'elle gardait toujours attachée à sa chaîne de montre. La première impression produite sur Magdalen par sa nouvelle femme de chambre ne fut pas précisément agréable. Elle n'avait pas, pour examiner la jeune fille, ce coup d'œil expérimenté de la maîtresse d'hôtel, qui avait permis à celle-ci de discerner immédiatement, chez la pauvre étrangère amenée par le hasard, une personne déjà familière avec le malheur. sans compter que la matrone de Londres avait manifesté clairement, par sa physionomie et son attitude, qu'elle devinait au juste la nature particulière de ce malheur. Sauf cela, Magdalène était parfaitement en état de découvrir les indices de maladie et de chagrin que sa suivante dissimulait sous les dehors d'une activité, d'une politesse à toute épreuve. Elle soupçonnait cette fille d'avoir un mauvais caractère et lui souhaitait un autre nom. En somme, elle n'était guère disposée à bien accueillir une domestique quelconque engagée par Mr. Noel Vanstone. Mais au bout de quelques minutes, Louisa sut se faire mieux apprécier. Elle répondait très posément, très directement à toutes les questions qui lui étaient adressées. Elle semblait connaître à fond les devoirs de son état et jamais ne prenait la parole avant d'être interpellée. Quand elle lui eut fait subir un interrogatoire sur tous les points qui lui vinrent à l'esprit, et après s'être décidée à lui accorder le bénéfice d'une épreuve complète, Magdalène se leva pour quitter la chambre. L'air même qu'elle y respirait, chargé des souvenirs de la nuit passée, semblait peser sur sa poitrine. « Avez-vous encore quelque chose à me dire ?» demanda-t-elle, s'adressant à la nouvelle venue et la main sur la poignée de la porte. « Je vous demande pardon, miss, » répondit la soubrette, avec beaucoup de respect et d'un ton très posé. « Mon maître m'a dit, je crois, que le mariage devait avoir lieu demain. » Magdalène réprima l'espèce de frisson que lui causait la mention de son mariage, émanant ainsi d'une bouche étrangère. Elle répondit ensuite affirmativement. « Il reste, miss, bien peu de temps pour les préparatifs. Si, avant de descendre, vous aviez la bonté de me donner vos ordres relativement aux caisses, aux paquets. » « Il n'y a pas à faire autant de préparatifs que vous le supposez, » interrompit Magdalène précipitamment. « Le peu d'effets que j'ai ici peut être emballé tout de suite, si cela vous arrange. Je porterai demain la même toilette que j'ai aujourd'hui. Réservez le chapeau de paille et le châle de couleur claire et commencez à mettre tout le reste dans mes caisses. Je n'ai pas de toilette neuve à y loger. Je n'ai rien fait faire exprès pour cette occasion. » Elle essaya d'ajouter quelques lieux communs pour expliquer, avec autant de vraisemblance que faire se pourrait, l'absence de la toilette de noces exigée par l'usage. Mais elle ne put prendre sur elle d'ajouter une seule allusion à cet odieux mariage et, sans une parole de plus, quitta brusquement la chambre. La douce et mélancolique Louise demeura fort étonnée. « Tout ceci ne sonne pas bien, » pensait-elle. « Je crains déjà pour ma nouvelle place. » Elle poussa un soupir résigné, secoua la tête et alla ouvrir la garde-robe. Elle examina d'abord les tiroirs inférieurs, prit les divers articles de lingerie qu'ils renfermaient et les répartit sur des chaises. Ouvrant ensuite les placards supérieurs, elle déposa sur le lit, à côté l'un de l'autre, les vêtements qu'ils renfermaient. Le dernier préliminaire fut de pousser les caisses vides au milieu de la chambre et de comparer l'espace dont elle disposait avec les objets de toilette qu'il s'agissait d'emballer. Elle acheva ce calcul préalable avec la rapidité confiante d'une femme qui entendait bien son métier et commença immédiatement les paquets. Au moment même où elle venait de placer dans la caisse la moins grande un premier objet de lingerie, la porte s'ouvrit et la servante du logis arriva, toute disposée à commérer. « Que désirez-vous ? » demanda Louisa d'un ton calme. « Entendîtes-vous jamais parler de choses pareilles ? » s'écria la domestique abordant son sujet sans préambule. « Pareil à quoi ? Pareil à ce mariage, donc ? Vous êtes de Londres, à ce qu'on m'a dit. Entendîtes-vous jamais parler d'une jeune personne qui se marie sans avoir sur elle un seul habit neuf ? Ni voile de noces, ni déjeuner de noces, ni ruban de noces pour les domestiques ? C'est se moquer de la Providence, je ne crains pas de le dire. » « Je ne suis, j'en conviens, qu'une pauvre servante. Mais voilà qui est mal, tout à fait mal, et peu m'importe qui pourra m'entendre. » Louisa continuait de remplir les malles sans rien dire. « Regardez-moi ces robes, » reprit la domestique, montrant le lit par un geste indigné. « Je ne suis qu'une humble ouvrière. Mais je n'oserais épouser le meilleur garçon du monde sans avoir sur le dos une robe neuve. Voyez-moi donc un peu ceci. Regardez-moi ce mauvais chiffon de laine brune. » « De l'alpaga. Est-ce que vous allez aussi emballer ce méchant vêtement d'alpaga ? Tout au plus est-il bon pour une domestique ? Je ne sais si j'en voudrais, en supposant qu'on me l'offrit. » Il mirait, cependant, en relevant un peu la jupe et en donnant de l'aisance à la taille. Et après tout, avec une petite bordure de couleur voyante, on pourrait encore en tirer parti, n'est-il pas vrai ? « Laissez-la, cette robe, je vous prie, » dit Louisa tout aussi tranquillement que jamais. « Vous dites ? demanda l'autre en croyant à peine ses oreilles. Je vous dis de laisser là cette robe. Elle appartient à ma maîtresse, et je suis chargé par ma maîtresse d'emballer tout ce qui se trouve ici. Vous êtes loin de m'aider, savez-vous? Vous me gênez, au contraire, considérablement. Ma foi, dit la servante, il se peut que vous soyez de Londres, comme on le prétend. Mais si ce sont là les manières de la capitale, eh bien, en ce cas, parlez-moi du Suffolk. Elle ouvrit la porte à ces mots avec une assez rude secousse, la ferma violemment, l'ouvrit de nouveau, et passant la tête dans la chambre. « Parlez-moi du Suffolk !» répéta cette femme avec un dernier mouvement de tête destiné à souligner ce sarcasme et à lui donner toute l'amertume nécessaire. Louisa, toujours impassible, continua ses opérations. Quand elle eut adroitement disposé le linge dans la plus petite des deux caisses, elle porta toute son attention sur les robes qu'elle avait arrangées. Après les avoir passées en revue avec soin, pour vérifier quelle était la moins précieuse et la placer au fond de la caisse, elle ne resta pas longtemps indécise. La robe qu'elle choisit pour la placer sous toutes les autres fut, on le devine, la robe d'alpaga brun. Magdalène, cependant, avait rejoint le capitaine au salon. Bien qu'il ne pût s'empêcher de remarquer la langueur empreinte sur tous ses traits et l'insouciance absolue qui se révélait dans tous ses gestes, il éprouva un certain soulagement en la voyant l'aborder avec un parfait sang-froid. Elle se montra même à ses maîtresses de sa volonté pour lui demander des nouvelles du voyage qu'il venait de faire, sans autres indices d'agitation qu'un éphémère changement de couleur et un léger frémissement de lèvres. « Voilà pour le passé, » dit le capitaine Raig quand il eut achevé le récit de son expédition à Londres en passant par Saint-Croix. « Occupons-nous maintenant de la situation présente. Le futur... « Si cela vous est égal, » interrompit-elle, « veuillez l'appeler Mr. Noel Vanstone. »« De tout mon cœur, Mr. Noel Vanstone viendra aujourd'hui dîner ici et il y passera toute la soirée. Il nous ennuiera singulièrement. Mais comme il arrive des ennuyeux en général, nous ne pourrons nous en débarrasser à aucun prix. Avant qu'il arrive, j'ai encore un mot ou deux à vous dire en particulier pour votre gouverne. D'ici à 24 heures, nous serons séparés, sans être bien certain, l'un ou l'autre, de nous rencontrer jamais. J'ai à cœur de vous servir fidèlement jusqu'au bout. J'ai à cœur de vous laisser cette impression, lorsque nous nous dirons adieu, que j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour assurer votre tranquillité future. » Magdalène le regarda, étonnée. Elle ne lui avait jamais connu cette voix. Il était fortement ému. Il parlait avec un sérieux extraordinaire. Dans sa physionomie et dans son attitude, certains détails rappelèrent à Magdalène cette première soirée d'Alborough, où, dans un endroit désert que la nuit envahissait par degrés, elle lui avait livré tous les secrets de sa pensée, alors qu'ils étaient assis tête à tête sur cette pente dominée par la vieille tour. « Je n'ai aucune raison, dit-elle, de ne pas vous conserver un souvenir affectueux. » Le capitaine Raig quitta soudain son fauteuil pour faire un ou deux tours de salon. Les dernières paroles de Magdalène semblait avoir produit chez lui un trouble tout à fait extraordinaire. « Au diable ! » s'écria-t-il, « je ne puis vous laisser parler ainsi. Vous auriez d'excellentes raisons pour mal penser de moi. Je vous ai dupé. Vous n'avez jamais eu, dans les bénéfices du divertissement, et cela depuis le premier jour jusqu'au dernier, la part qui vous revenait. Bon, voilà le grand mot lâché. » Magdalène sourit et lui faisant signe de se rasseoir. « Je savais que vous me trompiez, » lui dit-elle tranquillement. « Mais c'était votre métier, capitaine Raig. En m'alliant à vous, je m'y attendais. Je ne m'en plaignis pas à cette époque. Aujourd'hui, je ne m'en plains pas davantage. Si l'argent que vous avez ainsi obtenu peut compenser à un degré quelconque la peine que je vous ai donnée, je vous en fais cadeau de grand cœur. Voudrez-vous sceller ce marché par une poignée de main ?» demanda le capitaine, montrant une gaucherie, une hésitation qui contrastait singulièrement avec l'aisance de ses manières habituelles. Magdalène lui tendit la main. Il l'étreignit avec énergie. « Vous êtes une étrange fille, » disait-il, essayant de prendre un ton léger. « Vous avez sur moi un ascendant que je ne sais pas m'expliquer. Je suis presque gêné pour accepter de vous cet argent. Et cependant, vous n'en avez que faire, n'est-il pas vrai ?» Il hésitait de plus belle. « Je voudrais presque, » dit-il, « ne vous avoir jamais rencontré sur ces vieilles murailles d'York. » ce souhait-là vient trop tard, capitaine Raig. N'en dites pas davantage. Vous ne faites que m'affliger. Pas un mot de plus à ce sujet. Nous en avons d'autres à traiter. Qu'aviez-vous à me dire en particulier pour ma gouverne ?» Le capitaine fit encore un tour de salon et, non sans quelque effort, reprit son rôle de tous les jours. Il tira de son portefeuille la lettre adressée par Mrs. LeCount au maître d'Issel et la déposa dans les mains de Magdalene. « Voici une épître, disait-il, qui aurait pu faire échouer tous nos plans, si jamais elle était arrivée à son adresse. Lisez-la très attentivement. J'ai une question à vous adresser quand vous aurez fini. » Magdalene prit connaissance de la lettre. « Quelle peut être, dit-elle, cette preuve sur laquelle paraît compter si fort Mrs. LeCount ?»« Précisément la question que j'allais vous faire, » répliqua le capitaine Raig. Tâchez de vous bien rappeler ce qui a pu advenir pendant cette périlleuse expérience que vous hasardâtes jadis dans Vauxhall Walk. Mrs. LeCount n'obtint-elle alors sur vous aucun autre avantage que ceux dont vous m'avez déjà parlé ? Elle découvrit que mon visage était déguisé. Elle m'entendit parler avec ma voix naturelle. Et ce fut tout ? Absolument tout. Fort bien. Évidemment, alors, l'interprétation que j'ai donnée à cette lettre n'était point inexacte. La preuve sur laquelle compte Mrs. LeCount est cette infernale histoire du fantôme telle que la raconte ma femme, ce qui revient à dire, en bon anglais, l'histoire de Miss Bygrave aperçue dans le même déguisement qu'avait servi à Miss Vanstone, l'histoire à l'appui de laquelle on reproduirait le témoignage de cette personne-là même qui fut ensuite présentée aux habitants d'Aldborough comme tante de Miss Bygrave. Chance excellente pour Mrs. LeCount, en admettant qu'au moment opportun elle puisse mettre la main sur Mrs. Raig. Mais chance tout à fait nulle, si elle n'y peut parvenir. Or, là-dessus, dormez tranquille. Mrs. LeCount et ma femme ne se retrouveront jamais en face l'une de l'autre. Ne négligez pas, cependant, l'avis indirect que je vous donne en vous remettant cette lettre. Déchirez-la, de peur d'accident, mais ne l'oubliez jamais. Fiez-vous à moi pour en garder souvenir, répondit Magdalene, qui, tout en parlant, anéantissait la lettre. « Et maintenant, avez-vous encore quelque chose à me dire ?»« J'ai à vous donner quelques renseignements, » dit le capitaine Raig. « Renseignements qui ont leur importance, car ils ont trait à votre sécurité future. Rappelez-vous bien que je ne veux rien savoir de ce que vous ferez à partir de demain soir. Ceci est à faire régler depuis notre premier entretien à ce sujet. Je ne pose aucune question. Je ne forme aucune conjecture. » Je me borne présentement à vous prévenir de ce que sera votre position légale une fois le mariage conclu. Vous ferez ensuite de ce que je vous aurai appris à ce sujet, tel emploi que bon vous semblera. Pendant mon séjour à Londres, j'ai pris sur ce point les conseils d'un avocat, m'imaginant que cela pourrait vous être utile. Nul doute que vous n'ayez bien fait. Cet avocat, que vous a-t-il dit ? Pour être clair, je vais vous le résumer. Si Mr. Noel Vanstone vient jamais à découvrir que vous l'avez sciemment épousé sous un faux nom, il peut demander à la cour ecclésiastique d'annuler purement et simplement votre mariage. Le succès de cette requête dépendrait de l'appréciation des magistrats. Mais s'il pouvait établir qu'il a été trompé de propos délibérés, l'opinion de notre jurisconsulte est qu'il aurait beaucoup de chance en sa faveur. Et supposons que la demande en nullité vient de moi, demanda Magdalene avec une avide curiosité. Qu'en arrivera-t-il, je vous prie ? Rien ne vous empêche d'introduire une pareille instance, répondit le capitaine, mais n'oubliez pas ceci. Vous auriez à venir faire devant le tribunal l'aveu de votre propre fraude. Je vous laisse à penser l'effet qu'il produirait sur les magistrats. L'avocat vous a-t-il dit autre chose ? Ceci encore, continua le capitaine Raig. Que quoi que puisse la loi sur un mariage durant la vie des deux conjoints, après la mort de l'un ou de l'autre, aucun recours n'est possible pour le survivant. Et en ce qui concerne ce dernier, le mariage ne saurait être invalidé. Comprenez-vous bien, si vous ou lui venez à mourir, et si aucune requête n'a été présentée à la cour, ni lui qui vous survit dans le premier cas, ni vous qui lui survivez dans le second, vous n'auriez la faculté de contester juridiquement la valeur du mariage. Mais si, vivant tous deux, il en demandait la dissolution, toutes les chances sont en faveur du droit qu'il invoquerait ainsi. En prononçant ces derniers mots, il regarda du côté de Magdalène avec une curiosité furtive. Elle détourna la tête, nouant et dénouant d'un air distrait sa chaîne de montre, et bien évidemment absorbée par ses réflexions sur ce qu'il venait de lui dire en dernier lieu. Le capitaine Raig alla d'un air inquiet regarder à la fenêtre. Le premier objet qui arrêta ses yeux fut Mr. Noel Vanstone, arrivant de Seaview. Il revint immédiatement sur ses pas, et une fois encore interpellant Magdalène. « Voici Mr. Noel Vanstone. Une dernière précaution avant qu'il arrive. Soyez sur vos gardes vis-à-vis de lui par rapport à votre âge. Il m'a déjà questionné là-dessus avant de prendre la licence. J'ai tourné la difficulté en lui disant que vous aviez 21 ans. Et il a fait en conséquence la déclaration voulue. Ne vous inquiétez pas de ceci pour ce qui me concerne. À partir d'après-demain, je suis invisible. Mais dans votre propre intérêt, n'oubliez pas, si jamais il en était question, que vous êtes majeur. C'est bien tout. Vous êtes maintenant armé de tous les conseils que j'avais à vous donner. Quoi qu'il arrive désormais, souvenez-vous que j'ai fait de mon mieux. » Sans attendre une réponse, il se précipita vers la porte et courut dans le jardin au-devant de son hôte. Mr. Noel Vanstone apparut à la grille, apportant solennellement sur ses deux mains le présent de noces qu'il destinait à North Shingles. L'objet en question était un ancien écrin, un des bons marchés de son père. Dans cet écrin reposait une antique broche d'escarboucle montée en argent, encore une des emplettes de son père. L'un et l'autre présent ayant à ses yeux l'inestimable mérite de ne pas l'exposer au moindre déboursé. Il secoua la tête d'un air sinistre quand le capitaine s'informa de ses dispositions et de sa santé. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. À peine s'était-il trouvé seul à Seaview qu'il s'était senti assiégé d'appréhensions irrésistibles, touchant quelques réapparitions imprévues de Mrs. LeCount. À Seaview, tout lui parlait d'elle. Seaview, en conséquence, quoique bâtie sur pilotis et la plus solide maison des trois royaumes, lui était désormais odieuse. Toute la nuit, ce sentiment l'avait préoccupé. Il était également embarrassé de toutes les responsabilités qu'il avait prises. Et pour commencer, le choix de la femme de chambre. Maintenant qu'il l'avait arrêtée, il commençait à croire qu'elle n'était pas ce qu'il fallait. Une maladie pouvait la lui laisser sur les bras. Peut-être l'avait-elle trompé au moyen de certificats apocryphes. Peut-être était-elle liguée en secret avec la maîtresse de l'hôtel. Tout cela était horrible, horrible à penser. Puis cette autre responsabilité, la plus grave des deux sans nul doute, résultant pour lui du choix de la résidence où les nouveaux époux iraient s'installer, dès le lendemain, pour passer leur lune de miel. Il aurait préféré une des maisons de son père, vacante pour le moment. Mais, excepté Vauxhall Walk, ce jour contre lequel on pourrait élever certaines objections, et Aldborough, qui se trouvait naturellement hors de concours, les maisons partout étaient louées. Aussi se déciderait-il sur l'avis de Mr. Bargrave. Où donc Mr. Bargrave, jadis, avait-il passé sa lune de miel? Étant donné en son entier le territoire des îles britanniques pour y choisir une résidence, où donc Mr. Bargrave planterait-il sa tente en pesant avec soin les circonstances où l'on se trouvait? Arrivé là, les questions du fiancé s'arrêtèrent tout à coup, et l'on vit poindre sur son visage l'expression d'un étonnement qu'il ne pouvait réprimer. Son judicieux ami, dont il avait pu jusqu'alors, en toute occasion, invoquer les sages conseils, l'abandonnait soudainement à lui-même et refusait tout net de l'aider dans la décision à prendre au sujet de la lune de miel. « Non, » dit le capitaine au moment où Mr. Noel Vanstone ouvrait la bouche pour renouveler sa requête. « Il faut pour tout de bon m'excuser. Ma façon de voir en cette matière est, comme d'habitude, en opposition avec les idées reçues. Depuis quelque temps, pour vous complaire, j'ai vécu dans une atmosphère de déception. Cette atmosphère, mon bon monsieur, commence à n'être plus respirable. Mon être moral a besoin d'un ventilateur. Réglez avec ma nièce le choix d'une résidence, et je vous le demande en grâce, veuillez me laisser à ce sujet dans l'ignorance la plus complète. » Mrs. LeCount, à son retour de Zurich, tombera certainement tout droit ici, et me demandera non moins certainement où vous êtes retiré. Peut-être trouverez-vous ceci singulier, monsieur Vanstone, mais en répondant que je l'ignore, j'ambitionne le plaisir, devenu très rare pour moi depuis quelque temps, de dire une fois la vérité. » À ces mots, il ouvrit la porte du salon, plaça Mr. Noel Vanstone en face de Magdalene, sortit de nouveau après s'être incliné poliment, et partit seul pour une promenade qui devait l'aider à tuer le reste de l'après-midi. Son visage portait les traces évidentes d'une anxiété sincère, et ses yeux mi-partis jetaient çà et là des regards méfiants tandis qu'il flânait ainsi sur le rivage. « Tous ces détails sont bien lourds à porter, » pensait le capitaine. « Je voudrais être à demain, et mieux encore, au jour suivant. » La journée s'écoula pourtant sans rien amener. La soirée, la nuit, se succédèrent, paisibles et sans aucun nouvel incident. Le lundi survint, rayonnant et sans nuages. Le lundi vérifia cette assertion du capitaine, que le mariage était désormais un fait accompli. Vers 10 heures, le clerc de paroisse, venant à gravir le perron de l'église, cita ce vieux proverbe à l'homme chargé d'ouvrir les bancs, et qui était venu sous le porche au-devant de lui, « Heureuse la fiancée sur laquelle brille le soleil !» Au bout d'un quart d'heure, le petit groupe des gens de la noce était dans la sacristie, et le ministre les précédait à l'autel. Si soigneusement qu'eût été gardé le secret du mariage, ce simple fait que l'église était ouverte dès le matin avait suffi pour le trahir. Un petit nombre de fidèles, presque entièrement composés de femmes, étaient répartis çà et là sur les bancs. La sœur de Kirk et les enfants de cette dame étaient depuis quelques jours installés chez une de leurs amies d'Aldborough, et la sœur de Kirk faisait partie de cette assistance presque fortuite. Au moment où les gens de la noce entrèrent dans le temple, cette peur de Mrs. LeCount, qui hantait Noel Vanstone, gagna tout à coup le capitaine. Pendant les premières minutes, tous deux fouillèrent du même regard scrutateur les banquettes où ils voyaient des femmes, et tous deux semblèrent éprouver le même soulagement lorsque cet examen fut terminé. Le ministre, pour qui cet indice n'avait pas été perdu, soumit la licence à des investigations plus sévères que d'habitude. Le clerc, en son fort intérieur, se prit à se demander s'il fallait toujours compter sur ce vieux proverbe relatif à la fiancée. Parmi les femmes de l'assistance circulaient de vagues murmures, touchant l'inconvenance du costume que portait, au mépris du qu'en dira-t-on, la jeune et belle mariée. À l'oreille de son amie, la sœur de Kirk dit tout bas, avec une intention peu charitable, « Remercions Dieu, aujourd'hui, pour le compte de mon pauvre Robert. » Mrs. Raig pleurait en silence, redoutant, sans savoir au juste laquelle, une calamité imminente. Bref, la seule personne dont l'extérieur demeura impassible fut Magdalene elle-même, debout à sa place, devant l'autel, résignée et les yeux secs. Il semblait que toutes les sources de l'émotion humaine eussent été soudainement taries en elle. Ce qu'elle souffrit ce matin-là, elle le souffrit à des profondeurs où ne pénétra jamais un regard mortel. Le ministre ouvrit le livre. C'en était fait. Les augustes paroles qui partent de la terre pour monter au ciel avaient été prononcées. Les enfants des deux frères morts, héritiers de cette haine implacable qui avait divisé leurs parents, étaient désormais mari et femme. À partir de ce moment, et jusqu'aux adieux définitifs, les divers incidents se succédèrent avec une étourdissante rapidité. Les paroles solennelles de l'office matrimonial résonnaient encore à leurs oreilles, qu'ils étaient déjà de retour au cottage. Et ils n'y étaient pas rentrés depuis plus de 5 minutes que la voiture vint s'arrêter à la grille du jardin. Quelques secondes après, l'occasion se présenta que Magdalene et le capitaine guettaient à l'envi, l'occasion d'échanger pour la dernière fois quelques secrètes paroles. Elle gardait encore sa froide résignation. Elle semblait désormais inaccessible aux craintes qu'il avait dominées jadis, aux remords qui, naguère, torturaient son âme. D'une main ferme, elle lui remit l'argent qu'elle lui devait. D'un ferme visage, elle le contempla pour la dernière fois. « Je n'ai encouru aucun blâme, murmura-t-il avec un empressement significatif. « Je n'ai fait très exactement que suivre vos inspirations. » Elle inclina la tête en signe d'assentiment. Elle se pencha vers lui avec bonté. Elle souffrit que de ses lèvres il effleurât son front. « Prenez garde, » répétait-il, « je ne dis plus que ceci. Pour l'amour de Dieu, quand je ne serai plus là, prenez bien garde. » Elle se détourna de lui avec un sourire pour dire adieu à sa femme. Mrs. Rigg prenait toutes les peines du monde pour supporter avec courage la perte de cette amitié que le ciel avait laissé tomber sur sa route obscure comme une lueur consolatrice. « Vous avez été bien bonne pour moi, ma chère. Je vous en remercie de tout cœur et en toute reconnaissance. » Elle ne put en dire davantage, mais avec un éclat de pleurs, elle étreignit Magdalène comme sa mère même l'aurait étreinte, si sa mère eût vécu pour voir cet horrible jour. « Je tremble pour vous, » s'écria la pauvre créature d'une voix plaintive et désolée. « Oui, ma chère, je tremble pour vous. » Magdalène se dégagea d'elle par un mouvement désespéré, lui donna un baiser encore et se précipita vers la porte. L'expression de cette reconnaissance naïve, le cri de cette innocente affection, l'avait ébranlée plus qu'aucun autre incident de ce jour fatal. Elle allait, dans la voiture, chercher un refuge. Oui, un refuge, bien que cet homme, devenu son mari, l'attendît là, debout, près de la portière. Mrs. Rigg voulut la suivre dans le jardin. Mais le capitaine avait vu le visage de Magdalène au moment où elle se précipitait dehors, et d'un bras ferme, il retint sa femme dans le passage du rez-de-chaussée. Ce fut de là que les adieux s'échangèrent à distance. Aussi longtemps que la voiture fut en vue, Magdalène, penchée à la portière, regarda de leur côté. Elle agitait encore son mouchoir lorsque l'équipage disparut à l'angle d'une rangée de maisons. À ce moment même, se brisa le dernier lien qui l'unit à eux. Cette douce familiarité de tant de mois n'était déjà plus qu'un souvenir. Le capitaine Rigg referma la porte de la maison au nez des oisifs qui, groupés sur le champ de parade, regardaient de ce côté. Il ramena sa femme dans le salon et, lui parlant avec une indulgence dont il était loin de lui avoir donné l'habitude, « Elle suit sa route, » lui dit-il, « et d'ici à une heure, nous aurons repris la nôtre. Dépêchez-vous de pleurer tout votre sou. Je suis bien loin de dire qu'elle n'en vaut pas la peine. » Même alors, en ce moment où les craintes que lui inspirait l'avenir de Magdalène projetaient dans son esprit les plus noires ombres, la routine à laquelle se conformait la vie de cet homme se montra aussi tenace qu'à l'ordinaire. Par un mouvement machinal, il alla ouvrir son pupitre. Il ouvrit de même son livre de compte, et sur la feuille consacrée à ses transactions avec Magdalène, il enregistra la mention qui réglait définitivement la balance de leur compte courant. Par convention de Miss Vanstone, 200 livres, écrivait le capitaine, fronçant le sourcil. Vous ne vous fâcherez pas contre moi, dit Mrs. Rigg, qui, à travers ses larmes, jeta du côté de son époux un regard timide. Je voudrais, capitaine, un mot de consolation. Dites-moi donc, je vous en prie, quand il est probable que je la reverrai. Le capitaine ferma le livre et ne répondit que par cette parole inexorable. « Jamais. » Ce soir-là même, entre 1 heure et minuit, Miss LeCount arrivait en poste à Zurich. La maison de son frère, quand la voiture y fit halte, était close du haut en bas. Ce ne fut pas sans peine qu'après d'assez longs délais, on put faire lever une domestique. Cette femme, quand elle vit de quelle visite il s'agissait, leva les bras en l'air dans une muette surprise. « Mon frère vit-il encore ?» demanda Mrs. LeCount qui entrait dans la maison. « S'il vit encore ?» répéta la servante stupéfaite d'une telle question. « Il est allé à la campagne pour prendre quelques jours de repos et compléter ainsi son rétablissement. » La femme de charge, qui se sentit chanceler, s'adossa au mur du corridor. Le cocher et la domestique la portèrent sur un fauteuil. Son visage avait blêmi, ses dents claquaient comme au début d'une fièvre. « Envoyez, » dit-elle aussitôt qu'elle put parler, « envoyez chercher le médecin qui soignait mon frère. » Le médecin arriva sans retard. Avant de pouvoir articuler un seul mot, elle lui tendit la lettre. « Avez-vous écrit ceci ? » Il y jeta un rapide coup d'œil, après quoi, sans la moindre hésitation, « Certainement non, » répondit-il. « C'est votre écriture. »« C'est mon écriture habilement contrefaite. » Elle se leva de son fauteuil, tout à coup investie d'une force nouvelle. « La malle de Paris, quand repart-elle »« Dans une demi-heure. » »« Qu'on aille sur le champ et retenir ma place. » La domestique hésitait. Le médecin protestait contre la témérité de ce brusque parti pris. Elle n'écouta ni l'une ni l'autre. « Allez, » répéta-t-elle, « ou j'irai moi-même. » Il fallut bien se soumettre. La domestique alla retenir la place. Le médecin resta et continua son entretien avec Mrs. LeCount. Au bout de la demi-heure, il alla lui-même installer l'imprudente voyageuse et la recommanda très expressément aux soins du conducteur de la malle-poste. « Elle est venue d'Angleterre sans s'arrêter, » disait le docteur. « Et la voilà qui veut absolument repartir sans une journée de halte. Prenez soin d'elle, ou bien elle ne supportera pas les fatigues de ce double voyage. » La malle s'élança. La première heure du nouveau jour n'était pas encore écoulée, et Mrs. LeCount était déjà repartie pour l'Angleterre.